France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 154. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 15 mars 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es fichtrement apaisé de savoir que Nicolas Sarkozy s'est enfin rendu en Guadeloupe cette semaine. Le président de la République tenait beaucoup à ce voyage. Et oui, en se rendant au Mexique, Nicolas Sarkozy est passé par la Guadeloupe. Enfin, juste au-dessus. Au boulot, feignasse ! Il était à 10 000 mètres d'altitude, mais il n'a jamais été aussi près des Antilles. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office, laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous croiserons pêle-mêle une ambiguïté poitevine, de basses besognes pétrolières et quelques ogres affamés. Dans la foulée, nous traverserons l'Atlantique pour te dévoiler les coulisses de ce fabuleux voyage présidentiel au pays des sombreros et faritas. Ensuite, figure-toi qu'à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, le 14 mars, Karl Marx s'est pointé à l'INA jeudi dernier pour offrir un concert prolétaire à nos joyeux fantômes radiophoniques. Évidemment, nous découvrirons avec délectation les rebondissements de cette curieuse prestation marxiste. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont décidé ces derniers jours, face à la violence économique exponentielle, de se jeter corps et biens dans les méandres du marché noir. Et puis, nous enchaînerons bien sûr par les tribulations de notre facétieux reporter qui s'est intéressé cette semaine à l'autorisation dorénavant de pouvoir jouer son salaire au poker sur Internet, une solution gouvernementale anti-crise sans doute. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et gronde sévèrement si les CRS tabassent de petite classe à Montparnasse. Take only what you need from it. A family of trees falling. Kids, ce sont les mômes que célèbre ici le merveilleux duo new-yorkais MGMT. Un titre d'ailleurs que Xavier Bertrand a essayé de récupérer, sans en demander l'autorisation aux auteurs, pour ambiancer l'ouverture des congrès de l'UMP. Sans doute pour être à la page. Tu me diras, c'est ce que tout le monde cherche en ce moment, non ? Service à promenade, bonjour ! Oui, le Parti Socialiste veut tourner la page ? Oui. Ben, il n'y a qu'à lire plus vite ! Ah ben, elle est bonne, hein ? Ah ouais, t'as vu ? Elle est bonne, celle-là. Bon, alors maintenant, chers amis, ouvrons la première page des modestes aventures laïques de ce 154e épisode du Mangin Palace. Il est précisément 11h10 et, comme d'habitude, il est l'heure pour toi de te vautrer confortablement afin de profiter au mieux de notre malicieuse liturgie. Et, bien sûr, le premier chapitre ce matin est consacré à notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous allons croiser maintenant une évidente hésitation poitevine, de basses besognes pétrolières et radines, et enfin quelques ogres affamés pour une bien triste comptine. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Bonjour, madame Royal. Bonjour. Vous ne croyez pas que dans la vie, il y a autre chose que d'avoir un physique supra-giga renversant ? Mais où est-on là ? On est dans la première puissance agricole du monde et on voit des Français aller acheter de la nourriture périmée, des gens qui travaillent, hein, acheter de la nourriture périmée pour pouvoir nourrir leur famille. Mais où est-on là ? C'est vrai, on devrait se consacrer peut-être à aider son prochain, par exemple. Bonjour. Voilà ma question. Ah ben, je suis à la disposition, moi. Toujours prête. Voilà. J'aimerais bien que les hommes et les femmes politiques de ce pays s'engagent pour la libération de Julien Coupa. Je n'ai pas eu accès à ce dossier judiciaire, donc je n'ai pas d'avis circonstancié à vous donner sur ce sujet. J'ai capté que c'était une blague, mais avec un peu de retard. Certains matins, c'est à pleurer. Nicolas Sarkozy. Zoltan. Veut moraliser le capitalisme, eh bien, commençons par Total. Lance pour sa part l'humanité, en réclamant une nouvelle fois l'interdiction des licenciements boursiers dans son éditorial. Jean-Emmanuel Ducoing estime que les dirigeants du groupe... Vous êtes des accapareurs. ...viennent d'humilier non seulement leurs salariés, mais également la République. Des bras, des molochs. Les profits de Total s'étant constitués, écrit-il, sur le dos des Français. Triste à pleurer, je vous disais. On va vous faire dégueuler l'argent des pauvres. Ce sont des collégiens de Bordeaux qui ont eu affaire à la police. Ils ont eu la malchance de se retrouver à la gare Montparnasse au milieu d'une charge de CRS sur des étudiants. Ils ont reçu des coups de matraque sur la figure, dans les jambes, dans le ventre. Un élève, vous voyez, qui dit au CRS, mais monsieur, ne tapez pas, je ne suis qu'un collégien. Sale petit con. Et on lui met un grand coup de matraque dans le ventre. Oh, mais ça va pas la tête, c'est qu'un gamin. Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur. Tu sais, je crois que j'ai pris un virage. J'ai foutu une raclée à des gosses aujourd'hui. On ne dément pas formellement les propos de l'enseignante, elle les met quand même un peu en doute, écoutez. Mais c'est pour la bonne cause. Quand on a la charge d'un certain nombre de jeunes, et notamment de très jeunes, on évite de les mettre dans des lieux où il peut y avoir des manifestations et des mouvements de foule. Hé les mecs, le métro est par là ! Rouillons-nous, allons-y. Si j'ai bien entendu l'enseignante ce matin, la seule chose qu'il y ait aurait été un contact d'une matraque avec l'estomac de l'un d'entre eux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai ouvert ma bouche et c'est sorti comme ça. Le président Nicolas Sarkozy a pris quelques heures pour se détendre sur une plage d'Acapulco. Waouh ! Tip-top. C'est là que Zoltan a installé son QG ? Il faut espérer que Nicolas Sarkozy n'oubliera pas tout sous le soleil d'Acapulco, car c'est ce soir que commencent les choses sérieuses. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan ! J'effectue la première visite bilatérale d'un président français au Mexique depuis 10 ans. Bon, 10 ans, c'est un peu long tout de même. Heureusement qu'on est amis et qu'on a beaucoup de choses à se dire. Parce que si on n'était pas amis et si on n'avait rien à se dire, on se demande pourquoi on attendait tout ce temps. Nous, on va au bain douche à 10 balles. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ? Alors, bien entendu, l'escapade présidentielle au Mexique ces derniers jours ne t'aura pas échappé. Ce voyage, comme chacun sait, s'est effectué en 2 temps. Une petite visite très officielle en début de semaine, mais également un joyeux séjour privé le week-end dernier en compagnie de Carla. Car il faut savoir que notre couple glamour n'en peut plus de ce climat social de plus en plus détestable qui vient systématiquement leur pourrir le quotidien. Dossiers épineux et grèves à venir, bref, ras-le-bol. Ainsi, soucieux du bien-être de son épouse, Nicolas lui a promis en milieu de semaine dernière qu'ils allaient vivre les choses différemment désormais. Et Carla fut bien d'accord. Oui, t'as raison. Une vie nouvelle à nous deux. Il faut changer de pays et puis tout reprendre à zéro, hein. Je veux voir à quoi ressemble la télé aux quatre coins de la Terre. Où est-ce que tu voudrais aller, ma jolie petite colombe? À Cancun. Cancun? Pourquoi Cancun? C'est un joli nom. On dirait un titre de film. Clarence et Alabama vont à Cancun, c'est chouette. Dans mon film, chérie, c'est toi la grande vedette. Eh oui, voilà comment Nico et Carla se sont retrouvés dans l'avion vendredi 6 mars, direction non pas Cancun, mais la province de Jalisco, au sud-ouest du Mexique, invité par M. Roberto Ramirez, un facétieux banquier milliardaire accusé par certains milieux d'être un fringant narcotrafiquant d'Amérique du Sud. Enfin bref, toujours est-il que dès son arrivée au Mexique, M. Sarkozy s'est senti, comment dire, comme chez lui. Attention, mais voilà, Speedy Gonzalez, la terreur des chats, les champions des vitesses. Attention, mais voilà, Speedy Gonzalez, la terreur des chats, les champions des vitesses. Je suis la souris la plus fière del pueblo de Mexico. J'ai parcouru la terre entière sous mon sombrero. J'ai vu lutter pour mes frères contre les gros chats à la vitesse de la lumière. Il baisse les bras. Attention, mais voilà, Speedy Gonzalez, la terreur des chats, les champions des vitesses. Attention, mais voilà, Speedy Gonzalez, la terreur des chats, les champions des vitesses. Ainsi, avant que Speedy Gonzalez ne rencontre le président Calderón, il s'est offert, enfin plus précisément, on lui a offert, 2 jours de luxe que certaines sources estiment à 50 000 euros, dis donc, au bord de l'océan Pacifique, pas très loin de Guadalajara. C'est là que nos 2 tourtereaux se sont réellement ressourcés, notamment par de saines activités physiques. Carlita, s'il te plaît, fais-moi la courte échelle. Tu vois Obama, mon amoureux? Non, plus haut, là, je vois rien. Ah, c'est bon, j'y suis. Tu vois Obama, mon amoureux? Encore toi? Eh oh, eh, regardez, on a le droit, non? C'est pas interdit. Ouais, bah, tente pas de passer de l'autre côté, hein. Ah, et même pas envie, hein. Tellement je m'éclate au Mexique, tellement je bouffe des tacos, tellement j'ai une tête à sombrero. Arriba, arriba, arriba! Oui, Monsieur Sarkozy trépignait d'être aussi près des States sans pouvoir aller serrer la paluche à Barack, son prochain ami de l'OTAN. Mais bon, pour ne pas froisser ses hôtes mexicains, Monsieur Sarkozy s'est empiffré de tacos, aussitôt éliminé par une succession de jogging à la vitesse de la lumière. Et malgré la frustration de ne pas aller faire un tour à Washington, ce séjour privé au Mexique se déroulait merveilleusement bien, d'autant mieux que M. Sarkozy avait bien potassé pour préparer son voyage. Cela dit, samedi, en fin d'après-midi, au bord de la piscine de la Piola 6000, Nicolas se confia à Carla. J'ai lu des bouquins sur le Mexique, les anars, la révolution, Karl Marx. Je voulais avoir l'air de celui qui a tout compris, quoi. Et puis, en fait, il y a des choses que je comprends pas. Et qu'est-ce que tu comprends pas? Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol. Tu sais ce que t'es, loulou? T'es un petit blanc. Quand tu manges, un autre meurt de faim. Quand tu cours, un autre tombe. Tu penses jamais à ça? Ben si, j'y pense aux mecs qui tombent, mais pas tout le temps. Oui, enfin, attends, poussin. Le Mexicain basané, allongé sur le sol, là, il y en a partout, bon sang. Encore un pays de feignasses, ça. Mais bon, l'âme profondément rive gauche de Carla, finit par lui faire entendre raison et, toujours afin d'éviter de froisser ses hôtes mexicains, elle finit par convaincre Nicolas d'être un peu plus ouvert à la culture de ce merveilleux pays. D'ailleurs, dans l'espoir d'accroître sa popularité avant la véritable visite d'État, Carla lui a conseillé d'aller à la rencontre des autochtones. Immédiatement, M. Sarkozy est allé serrer quelques pognes. Alors, le café, il est bon cette année? Bon, dans le cafecito, c'est. Il a l'air drôlement bon, votre café, cette année. Mais quel café? C'est du riz. C'est du riz, ça. Ah, c'est du riz? Eh hey. Ah ouais, autant pour moi. Salut, les gars. Oh, hey. Qu'est-ce qu'il est con, le gringo. Bon, très vite, Carla a alors proposé à Nicolas de rentrer un peu plus tôt à l'hôtel, histoire d'organiser une petite séance de vidéo-coaching pour préparer au mieux sa rencontre officielle avec le président Calderón. Et, vois-tu, Carla avait tout prévu, puisqu'elle avait demandé à Claude Guéant de lui préparer un DVD afin que Nicolas s'inspire du succès d'un de ses prestigieux prédécesseurs venu lui aussi au Mexique il y a 45 ans. Mexicanos, traigo a México el saludo de Francia. Mexico, Mexico. Francia saluda México. Sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Oui, cette journée de mercredi qui au Mexique vient de se terminer, puisqu'il est là-bas un peu plus de minuit maintenant, aura vu à l'université la plus extraordinaire manifestation d'enthousiasme que le chef de l'État ait rencontré au cours de ses voyages. Cela s'est passé en fin de matinée, au moment même où le cortège officiel gagnait le grand amphithéâtre où le général de Gaulle a prononcé les propos que vous venez d'entendre. À 12h15, 12h15 local, la caravelle quittera l'aérodrome de Mexico à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors ça, jamais! Faire un détour par la Guadeloupe en rentrant à Paris, franchement non merci. Attends Poussin, ce pays de feignasses là? En revanche, M. Sarkozy a bien compris que pour remporter un franc succès au Mexique, il faut savoir s'accaparer la culture locale. Et c'est ainsi que lundi dernier, lors de sa conférence de presse commune avec le président Calderón, Nicolas Sarkozy a cru bien faire lorsqu'il s'est mis à vanter les saveurs, selon lui, de la cuisine mexicaine. La première fois, j'ai mangé 9 Big Mac. J'avais l'impression de ne pas être rassasié. Les Big Mac, c'est vachement bon. J'en ai mangé 265 le premier mois. Vous en mangez combien par jour? En principe, 2. L'année dernière, j'en ai mangé 741. Certains jours, j'en ai mangé 3. Mais ils ont rapetissé. 90% de mon alimentation solide est constituée de Big Mac. Ça m'agace pas du tout. Ça me fait plaisir. Eh oui, toujours au taquet, Carla Bruni a su désamorcer la boulette de Nicolas par un œil de biche envoûtant dont elle a le secret, afin d'éviter tout accident diplomatique. Alors, résultat, quel bilan peut-on faire de ce voyage officiel au Mexique? Bon, primo, le dossier Florence Cassay est évidemment moins porteur que celui d'Ingrid Betancourt. Secondo, certes, quelques menus contrats ont été signés, mais franchement, ça ne casse pas des briques. Et enfin, voilà maintenant une embarrassante polémique qui enfle autour du séjour privé chez le soi-disant Pablo Escobar mexicain. Du coup, au final, on peut s'interroger sur le souvenir qu'auront les Mexicains de notre Speedy Sarko González dans 20 ans. Il y a 20 piges, le Mexicain, tout le monde l'aurait donné à 100 contre 1, flingué à la surprise. Mais cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. Tout le monde n'est pas forcément aussi doué. La psychologie, il n'y en a qu'une. Des fois, il est le premier. Et le Mexicain, ça a été une épée, un cadeau. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Seulement, faut bien reconnaître qu'il avait décliné, surtout de la tête. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Thank you. Living on May Day, autrement dit, conserver le signal de détresse. C'est ce que nous propose ce matin la Suédoise Anna Ternheim, qui a sans doute relu la Convention internationale de radiotélégraphie de Washington de 1927, où la formule française « Venez m'aider » a été utilisée pour créer le May Day des avions en détresse. Pourriez-vous faire atterrir cet avion ? Non, mais ça va pas à la tête. Très bien, au contraire, et j'ai horreur des familiarités. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Alors maintenant, après nous être baladés au Mexique, un sombrero sur le nez et accompagné de mariachi avec Nicolas et Carla, la panique au Mangin Palace s'ouvre dès à présent à 11h26. Sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache qu'hier, nous commémorions le 126e anniversaire de la mort de Karl Marx. C'était le 14 mars 1883 et, pour la panique, 126 ans, ça se fête, c'est essentiel bien sûr. D'ailleurs, cette semaine, jeudi soir exactement, ce bon vieux Karl est venu offrir un concert privé et prolétaire à nos joyeux fantômes dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Un vrai délire acoustique, alors écoutons attentivement l'étrange récit de notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, c'était la lutte. La lutte des classes. Alors jeudi soir, quand Karl Marx est venu donner un concert, le prolétariat était en émoi. Je suis bien Karl, je suis bien Marx, je suis l'imam, le grand Satan à la barbe rouge et l'œil noir de feu. J'ai volé sa barrette au diable et m'en suis peigné les cheveux. Les voleurs de temps, les voleurs de vie n'ont jamais tant pillé sur la planète. Quand vous serez fourbus, et penserez qu'il faut que cela cesse. Dites à tous les vôtres, dites même à vos maîtres, que vous m'avez vu rigoler dans les nuages, que je suis toujours là. La pause était déjà finie. Tout le monde était dégoûté. Et certains disaient qu'il ne fallait pas y retourner, même si c'était risqué. Bien sûr, c'est vrai, mais est-ce tellement intéressant ? L'important, c'est que pour Marx, le matérialisme est d'abord la restitution de la plénitude, de la richesse du monde sensible. Pour Marx, le matérialisme est vivant. Et qu'il dit lui-même à plusieurs fois qu'il s'oppose au matérialisme desséché, au matérialisme qui ne prend pas directement sa racine dans un sens de la jouissance esthétique qu'apporte le monde. Et Jean-Albert, le plus marxien d'entre nous, a insisté. Il fallait prendre conscience de notre force. Le marxisme, ou la théorie de Karl Marx, ça a été pour le monde ouvrier une révélation de ce que peut représenter le prolétariat, de la place qu'il occupe dans la société, dans le fonctionnement de l'économie d'un pays. Il a quand même une place très très importante, parce que s'il y a des gens qui créent, que c'est des créateurs, comme par exemple les architectes ou tant d'autres, cette création, pour se matérialiser sous forme d'objet, il faut qu'elle passe par la main de l'ouvrier. Un maçon, il a monté tant de mètres carrés de murs, c'est visible, c'est palpable. Pour moi, un exemple des Marx Brothers, c'est le gag de Harpo qui était appuyé sur le mur d'une maison. Chico et Groucho passaient devant lui, et Groucho lui disait « Qu'est-ce que tu fais? Tu soutiens la maison ?» Et Harpo faisait signe « Oui », et il s'en allait. Et au moment où Harpo retirait sa main, la maison s'écroulait. Cette image d'une vieille société en ruine, ça n'a pas trop plu à la classe dominante. Et on a eu droit à un sévère rappel à l'ordre. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation. Aux autorités. Comment reconnaître un communiste? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien. Alors, voici tout d'abord la radioscopie d'un homme normal. Alors, nous voyons très nettement le cœur et l'âme. Il en va tout autrement du communiste. Nous avons ici la radioscopie d'un communiste. Que constatons-nous? Eh bien, tout simplement, nous voyons très nettement qu'il n'a pas d'âme et qu'il n'a pas de cœur. T'as de naïf? Comme si on allait finir le film comme ça, tiens. Faisons une fin à la Scooby-Doo. Action. Le slogan de Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, est plus que jamais actuel. Mais ça, c'est un renversement à la Marx. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de Lina Tendue, une visite très classe de la lutte des classes. D'ailleurs, il est temps maintenant pour nous de retrouver d'autres luttes plus hebdomadaires, celles de Monique et Jean-Claude, puisqu'il est l'heure de notre décrochage régional pour nos actualités locales et foutraques. Direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, rejoignons notre fantasque petit village fleuri où nous attendent Monique, la débrouille, et Jean-Claude, l'embrouille, car cette semaine, nos deux héros ont été, une fois de plus, confrontés à la terrible guerre de récession. Oui, le pouvoir d'achat est en berne, la galère pointe et l'avenir semble plutôt sombre, d'autant plus que la crise économique du système qu'ils soutiennent donne aux patrons et aux banquiers un argument qui tombe à pic pour resserrer la vis aux salariés. Mais Jean-Claude, toujours aussi énergique, ne veut pas se laisser faire. Il y a des gogos qui se laissent dépouiller, qui se font nettoyer par des banquiers. Après, ils courent se plaindre au procureur, et partout ils pleurent sur leur malheur. Moi, je ne suis pas assez bête pour perdre ainsi ma galette. Pour sauver mon pognon, j'ai pas le rond. J'ai ma combine. Jamais dans la vie, rien ne me turlupine. Les soucis, merci, ça m'est égal. Les ennuis, tant pis, je m'en fiche pas mal. Ho, ho, ho, j'ai ma combine. C'est banal, mais c'est jovial, c'est le principal. Oui, le principal est sans doute d'être jovial face à la crise économique. Jean-Claude a donc décidé de renforcer son pouvoir d'achat par tous les moyens. Et cette semaine, il a tenté de faire entrer de la maille en refourguant des trucs glanés par-ci, par-là, notamment auprès de ses collègues au boulot. Oh, mais c'est un buffet ! Mais oui, c'est un buffet, c'est un héritage. Ma pauvre tante qui est décédée et tout, ça t'intéresse, 1000 euros ? Moi, en fait, déjà venu à la maison, tu sais bien que je vais te me blanche à Moni. Bah oui, et alors ? Bah, et alors ça, c'est du chambord, enfin, ça va jurer. Enfin, c'est rustique chez toi, ça. Mais c'est pas le problème, ce que je dis que ça, c'est du chambord et que moi, je suis toute me blanche à Moni. Oui, mais enfin bon, Chambord, Chamonix, j'en sais rien, moi. C'est haché chez toi, le. Ça, c'est haché aussi. Réfléchis, achète 500 euros. Mais je peux pas, parce que ça, c'est du Chambord, et je dis que je suis toute meublée à Chamonix. Oh là, les goûts et les couleurs, hein. Jean-Claude se rend donc très vite compte que même le secteur de la revente de seconde main semble touché par la crise. Dès lors, il est prêt à se lancer dans n'importe quel petit commerce illicite, quels qu'en soient les risques. Mais Jean-Claude a bien du mal à trouver le domaine d'activité le plus porteur. Jusqu'à ce que David Pujadas, lui offre la solution mardi soir. À propos d'économie, est-ce un effet de la crise, des problèmes de pouvoir d'achat? Vous allez le découvrir. À la périphérie de Paris, on trouve désormais ce qu'on pourrait appeler un vide-grenier des produits alimentaires. De même qu'on y vend des vêtements ou des objets d'occasion, on y trouve aussi à l'unité des aliments de récupération, y compris des laitages ou de la viande, vendus souvent pour moins d'un euro. C'est ce que nous dévoile ce reportage de Richard Binet et Jean-Marc Nouknouk. Et le marché noir aussi alors, c'est pas une honte? S'il n'y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Je me lave pas, moi, madame. Et si personne ne se lavait, la France serait plus propre. J'avoue que j'étais un peu déçu. Je vais l'imaginer autrement, le marché noir. Comment tu l'imaginais? Plus noir que ça. Mais oui, voilà la solution, le marché noir. Jean-Claude se dit qu'il est temps de s'engouffrer dans le monde des BOF, à savoir beurre, œufs, fromage. Et oui, aujourd'hui, la nourriture est devenue un produit de luxe. Jean-Claude se lance donc dans le commerce du saucisson sous le manteau, du négoce de la carotte en loose-dé et de la revente frauduleuse de la patate. Et très vite, son entourage est stupéfait de l'ampleur et du succès de ses petites affaires. Mais dis donc, ça a dû vous coûter les yeux de la tête, tout ça, au marché noir. Des films macro. Oh! Un jambon. Oh! Mousseux. Non, du champagne. Oh! Oh! Surtout qu'en ce moment, les lentilles, ça se vend à la pièce. Hein. Eh oui, quand les lentilles commencent à se vendre à la pièce, c'est que la crise est bien là. Cependant, Monique, toujours un peu légaliste, s'interroge du bien fondé des trafics du Jean-Claude. Est-ce bien moral de profiter de la crise? Mais ça, pour Jean-Claude, ce n'est pas un problème. Les patrons, eux, ils en profitent de la crise. Et puis surtout... Tout s'achète et tout se vend, même notre cher président. Les dealers se font du beurre sur le dos des frères et sœurs. Oui, l'argent fait le bonheur, les philosophes sont des menteurs. Alors cesse de... Qu'il y a du blé à te faire. Ouais, car aujourd'hui sur cette terre, tu peux me croire, oui c'est très clair. Ouais, tout est bon pour faire du fric. Tout est bon pour faire du fric. Tout est bon pour faire du fric. Tout est bon pour faire du fric. Tout est bon pour faire du fric. Et Jean-Claude, il s'en fait du pognon grâce à son commerce alimentaire. Oui, aujourd'hui, le marché noir, ça cartonne. Jean-Claude a d'ailleurs trouvé quelques petits fournisseurs qui n'ont jamais mis les pieds à Rungis et à qui il commande de plus en plus. À tel point d'ailleurs que ses fournisseurs commencent à se demander si Jean-Claude n'en fait pas un peu trop à en vouloir toujours plus. Au fait, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu la cadence. Comment ça? Tu t'es fait près de 40 000 ce mois-ci, ça te suffit pas? Eh non, mais je peux pas continuer à me pignoler avec des cacahuètes. Bon, plus on veut pas. La banque va trouver sa louche. Mais ça va, y a aucun problème, je leur ai dit j'avais la start-up. Start-up? C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Quoi, tu connais pas la start-up? Ça déconne, il sort d'où, lui? Oh, technologie! La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche le zboub. Ah, belle image, c'est sûr. Car habituellement, à l'inverse, le banquier aurait plutôt tendance à nous... Enfin bon. Jean-Claude s'investit donc complètement dans le marché noir et il en profite beaucoup, puisque la crise dope la demande de produits à bas prix. Enfin, plus exactement, à prix normaux. D'ailleurs, pour être encore plus efficace, Jean-Claude a ressorti sa vieille mobilette, une 103 Peugeot qui a fait sa gloire par le passé et avec laquelle aujourd'hui il sillonne les rues de Grosboul-les-Bains pour livrer ses clients. Et sur sa mobilette, Jean-Claude n'a aucun remords du choix qu'il a fait. Je ne regrette rien. Jean-Claude ne regrette donc pas de s'être lancé tête baissée dans le marché noir. Pourtant, il commence à douter de ses choix lorsqu'il s'aperçoit que son exemple n'est sans doute pas le meilleur, puisque son fils Rémi suit les traces de son père et s'est lancé lui aussi dans les petites combines. Bon. Alors, mon petit, ça va comme vous voulez, hein? Ça dépend des jours. Je me démerde, quoi. C'est tombé du camion. Tout est ouvert, fougué d'occasion. Rippé, craqué, hacké. Débloqué, crocheté, ok. J'connais un pote qui connaît un pote qui connaît un pote. Qui peut te trouver un corps de cash. Te trouver une porte de cash. Te fourguer un stock de sky. Te pusher une tonne de mailles en un temps record. Jean-Claude s'est donc lancé dans le marché noir de denrées alimentaires. Mais voilà que les données du problème sont modifiées quand il s'aperçoit que son fils Rémi, à l'instar de son père, se lance lui aussi dans le commerce illicite. Jean-Claude est un bon père. Et bien sûr, il se pose des questions. Que faire ? Cesser le marché noir et remettre Rémi sur le droit chemin ? Lui montrer l'exemple, le bon exemple ? Bon, en réalité, Jean-Claude a surtout compris que s'associer avec Rémi allait lui ouvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés au lycée. Vous avez assez à manger, vous, ici ? Nous, on n'en a pas assez. Vous reconnaissez qu'on mange pas bien. Jean-Claude ? Jean-Claude ? Tu peux me passer le jambon ? Tenez, c'est pour vous. Prenez-le, c'est un bon jambon de Bayonne. Faudra le garder, celui-là. C'est un bon fournisseur. C'est pour rendre service aux autres qu'on fait ça. C'est politique. Vous êtes un homme de gauche ou non ? Et des carambars, vous en avez ? Pour 5 francs, tu peux en avoir 25. Donne-moi 5. Si tu te fais choper avec la bouffe, tu fais quoi ? Je dis que c'est toi qui me les as vendus. Tu veux ma main dans la gueule ? Non, je déconne, je dirais que c'est moi qui les ai apportés. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, à 11h41, après avoir découvert les nouvelles combines des gros boulets pour survivre en pleine guerre de récession, il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin justement à une autre solution proposée cette fois par notre gouvernement pour lutter contre la crise. Vois-tu, la semaine passée, Éric Woerth, ministre du Budget, a présenté son projet de loi ouvrant le secteur des jeux en ligne à la concurrence. Traduction, désormais, en toute légalité, tu pourras jouer ton salaire au poker sur Internet. Certes, 25 000 sites illégaux proposent déjà ce rêve dangereux et chimérique de faire fortune en quelques clics. Intervenir, bien sûr, mais n'aurait-il pas fallu plutôt protéger les citoyens précaires d'une éventuelle faillite face à ces redoutables marchands de rêves ? Toujours est-il que notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé tendre son micro cette semaine à M. Marc Valeur, médecin, spécialiste des addictions et rattaché à l'hôpital Marmottan dans le 17e arrondissement de Paname. Ainsi, juste après la virgule, découvrons les illusions de ces pseudo-tripots qui vont squatter la toile. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune ? Je te vois venir, l'ami. Temps de crise, poker bientôt officiellement autorisé en ligne, tu te dis, à moi l'oseille, d'autant que tu as bien écouté les conseils de Patrick. Un bon joueur, c'est celui qui gagne beaucoup quand il gagne et qui perd très peu quand il perd. On sait bien que la prohibition qui était le système dans lequel on était jusqu'à présent n'arrive pas à fonctionner, d'autant qu'on est dans un monde où les communautés européennes ont demandé à la France de se justifier. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas tellement de choix. On peut même dire que la proposition de loi qui est faite par Éric Woerth pourrait être une chance de mettre enfin en place une vraie régulation du jeu qui correspondent à une politique du jeu en France qui prenne en compte un volet de santé publique, ce qui est tout à fait fondamental. De pair à l'as. C'est une main géniale, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu as 2-4 et je peux rien faire contre un bon tirage. Il est évident que la politique de prévention et la politique de soins en matière de jeux pathologiques va devenir de plus en plus urgente à mettre en place. Non, mais tu vois, Jean-Pierre, je pensais qu'il bluffait, le barman. Je l'ai relancé, il avait une paire de 10. Et moi, rien. Du coup, j'ai paumé. Alors, comme j'ai plus une thune, ben, je dois bosser 6 jours à sa place. Black Day, quoi. Je m'en fous, Patrick. Je m'en fous. Sers-moi un jean. Fatigué, lui, avec son poker. D'accord, j'ai compris. Tu veux que je te serve un jean, mais en fait, t'en veux pas. Tu bluffes. Je vais plutôt te servir un jus d'orange. Fatigue, lui. Il me fatigue. L'abus de jeu en soi, le même sans tomber dans la dépendance, ça peut être très lourd de conséquences. Il suffit de déraper quelques mois pour se retrouver surendetté pendant des années. Et c'est là aussi une source de problèmes, de dépression, etc. Donc on n'est pas du tout devant un problème aussi léger qu'il y paraît. On est devant une vraie problématique de santé publique. Et c'est cette dimension de santé publique que j'espère voir prendre en compte dans le projet de loi à venir. Je suis sûr qu'il va le suivre. Quoique s'il n'a pas sa paire de dames, c'est risqué. Il essaie de faire un flush. 3 000, ce n'est pas beaucoup. Ça y est, il va au flush. Oui. Le kid le tient maintenant, il ira jusqu'au bout. Donne les cartes. Le 9 de carreau. Possibilité de flush. Possibilité de quinte flush. Une partie de poker, ça peut se décrire un peu comme une scène de western à la Sergio Leone. Il y a une dizaine de cow-boys autour d'un trésor. On va se battre, et puis à la fin, c'est un duel entre deux, et puis il n'y en a qu'un qui va remporter le magot. On comprend que ça attire des jeunes. Le problème, c'est qu'on voit des cas d'addiction qui commencent au poker, et on commence à le voir chez des jeunes qui pratiquent le poker en ligne, et qui commencent souvent avec l'illusion qu'ils vont réussir à devenir des professionnels, et que ça pourrait être une alternative économique au travail, etc. C'est là qu'il y a un danger, c'est que ça soit pour beaucoup un miroir aux alouettes. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. C'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les cartes. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris 3 cartes et lui 2 cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Oui, il y a du bluff dans l'air. Et si une partie de poker ressemble à une scène de western, quel joueur possède une quinte flush royale autour de notre table? Car bien entendu, ce projet de légaliser les jeux en ligne comporte quelques enjeux majeurs à se partager. Primo, la Française des Jeux et le PMU vont voir leurs taxes baisser de 5,5%. Ensuite, une partie des gains récupérés par l'État servira à restaurer les monuments nationaux. Très bien. De la même manière, 1% des mises sur les paris sportifs alimentera les caisses du sport amateur. Parfait. Mais celui qui détient le carré d'as, c'est sans doute Eric Woerth, qui veut faire sauter la banque dans un but bien précis. Alors, qu'est-ce que t'en dis? La disposition est pas mal. Le seul problème, c'est les détecteurs de mouvement. Ça, c'est chiant. Mais t'es capable de le faire. Hé, hey, tu sais que tu t'adresses au docteur. J'ai tout de même une question. Pose-la. Tu sais ce que Nico va dire de tout ça? Que dalle. Ça le regarde pas. Tu dis n'importe quoi. Et comment ça le regarde? Tu sais que c'est notre patron à tous. Ouais, ben ça va changer. Si tu t'attaques à Nico, il t'offrira une sieste au cimetière. C'est lui qui fait la sieste. Et je vais pas tarder à le réveiller en sursaut, moi, le patron. Pour ça, il faut du blé. On se fait d'abord la banque. Ensuite, on se fait Nico. Le soleil est si fort. Viens me voir. Ne reste pas là dehors. Viens me voir. Viens te mettre à l'abri. Viens me voir. Viens te mettre à l'ombre ici. Viens me voir, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou. Tu es plus douce et plus jolie qu'une mandarine. Plus tendre qu'une fleur de safran. M'embrasse avec tes lèvres de grenadine. Je te mangerai d'un grand coup de dent. Oh, viens vite. le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou. Que fais-tu là sous le ciel? Viens me voir. Tu vas mourir au soleil. Viens me voir. Tu n'as même pas de chapeau. Viens me voir. Viens, je te donnerai de l'eau. Viens me voir, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite. Voir le loup, viens vite. Tu me rends fou. Tu es plus chaude qu'une poudre de paprika, brûlante comme un grain de curry. Ta petite langue est un piment de grenade. Et dans mes mains que tu es jolie. Oh, viens vite, voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite, voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite, voir le loup, viens vite. Tu me rends fou, viens vite, viens voir le loup. Viens voir le loup, c'est Joe Dassin qui nous proposait en 1967 de venir dans sa tanière. Il y a un loup qui s'intéresse beaucoup à mes faits et gestes. Il ne semble pas animé d'intentions agressives, il est ma seule compagnie. Depuis 2 jours, il se montre chaque après-midi. Il a des chaussettes toutes blanches aux pattes avant. S'il revient me voir demain, je le baptiserai Chaussette. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Ah, j'ai tout bien lu la presse, qui n'a de cesse cette semaine de dénoncer les mauvais penchants. Mmh. Ah, il y en a plein. Par exemple, j'ai été très intéressé par un article progressiste de l'Observatore Romano du 8 mars dernier au titre charmant « La machine à laver et l'émancipation de la femme ». Oui, ce quotidien, publié par le service de presse du Vatican, c'est pas rien, soutient l'idée que la machine à laver a peut-être fait plus pour libérer la femme que la pilule ou l'avortement. C'est charmant. On va encore se faire taper. Attendez, Philippe, je capte dans mon casque une remarque de Raymond de Quimperlé dans sa cuisine qui vient de dire « Ah, ils vont encore critiquer les catholiques, trop facile, s'ils avaient du courage, ils parleraient des juifs et des musulmans. » Oui, alors il faut le signaler à tous nos auditeurs, nous entendons tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce sont les progrès de la vous technologie. Vous nous entendez, mais on vous entend tous. Ah, mais voilà. Oui, nous avons le retour dans le casque. Mmh. Alors, je réponds à Raymond, qui trouve que nous nous moquons trop des catholiques, que c'est trop facile. Bon, déjà, Raymond, à 11h53, tu devrais être à la messe. Bon, c'est pas grave. Mais surtout, Raymond, tu as raison. Au lieu de parler du Vatican, qui trouve que la machine à laver a plus fait pour l'éducation, pour l'émancipation, quelle horreur, l'émancipation de la femme que la pilule, j'aurais pu évoquer cette brève que nous apporte le nouvelops.com en Égypte. Une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique religieux, vient de tomber pour condamner un produit anti-calvitie car il provoque des troubles de l'érection. Bah oui, écoutez. Alors bon, moi je dis déjà un produit anti-calvitie qui provoque des troubles de l'érection. C'est mal barré. Bah on l'évite, non pas parce qu'il est condamné par une fatwa, mais parce qu'il provoque des troubles de l'érection. Bien sûr, évidemment. C'est déjà tout simple. Bon voilà, on trouve partout quelques rigides du bulbe et du culte. En minorité bien sûr, mais sans doute en proportion identique dans chaque religion. Voilà. Alors pourquoi en parler puisque la majorité des croyants est modérée? Eh bien, il est parfois utile de rappeler quelques dérives, même à ceux qui critiquent facilement les autres religions comme étant rétrogrades. Par exemple, cette semaine, les journaux ont rapporté l'histoire de cette petite Brésilienne de 9 ans qui a avorté de jumeaux conçus suite à des viols répétés de son beau-père. C'est une horreur. Mais la suite est tout aussi monstrueuse. L'équipe médicale ainsi que la mère de la gamine ont été excommuniées par l'archevêque de Recife, car l'avortement, c'est mal. Le beau-père violeur, lui, non, parce que lui, il est contre l'avortement. Ah bah oui. Voilà. Alors, on apprend ce week-end, dans le JDD entre autres, que la conférence des évêques brésiliens s'est désolidarisée de l'archevêque intégriste. Mais attention, la raison en est subtile. La mère ne doit pas être excommuniée car elle a subi la pression des médecins. Petite subtilité mortelle. Voilà pourquoi il faut dénoncer ces dérives intégristes, parce qu'elles ne reflètent pas ce que pense l'immense majorité des croyants. C'est comme pour la police. Pour une pincée de cow-boy, il y a une immense majorité de fonctionnaires qui font très bien leur boulot et dans des conditions souvent très difficiles. Ah, j'entends Thomas à Montpellier qui vient de murmurer à côté de son poste de radio « Ah, état policier !» Non Thomas, non, nous ne sommes pas dans un état policier. Un peu de nuance, s'il te plaît. Bon, c'est vrai, quand on lisait Sud-Ouest le week-end dernier, on apprenait que le 5 mars, une classe de collégiens, c'est petit un collégien, hein, oui, c'est petit, a été prise à partie par les CRS à la gare Montparnasse lors d'une charge contre des étudiants venus manifester en chantant contre le démantèlement du système universitaire. Donc les mômes et leurs profs qui revenaient d'une sortie scolaire se sont ramassés des coups de matraque. Le Canard enchaîné de cette semaine nous apporte un peu plus d'informations avec la réaction de Michèle Alliomarie, notre très respectable ministre de l'Intérieur. Non, pour elle, il n'y a pas eu de bavure. Et surtout, je cite, « Quand on a à charge des enfants, on ne les emmène pas dans ce genre d'endroit. » C'est une gare, gare. C'est une gare, maman. Les mômes allaient prendre leur train pour une sortie scolaire. Ainsi, le mieux pour Michèle Alliomarie n'est donc pas de lire le mensuel « Sciences humaines » qui titre « École, guide de survie », mais directement de se plonger dans le mensuel Moto Magazine, qui ce mois-ci nous offre un dossier sur les casques intégraux soumis à des crash tests. L'équipement minimum donc pour une sortie scolaire. Voilà, donc juste pour dire que l'équipement c'est important. C'est d'ailleurs ce que confirme le Washington Post de mercredi dernier, qui s'intéresse à la montre bling-bling du président. Une remarque de Brice de Paris, j'entends. Ouais, ils vont encore se moquer de Sarkozy. Oh là là, c'est de l'acharnement. Mais non, Brice, le Washington Post nous parle de la montre du président Abraham Lincoln, qui a été conservée au musée de Washington et dans laquelle on a découvert un message secret. C'est un graveur à l'époque, en 1861, qui a écrit ce petit message au début de la guerre de sécession. Alors on va tout de suite se demander qu'est-ce qu'on va découvrir dans 150 ans quand on réparera la Rolex de Nicolas Sarkozy. Quel message ? Ah Philippe, excusez-moi, les auditeurs à côté de leur poste font des propositions. Claudette de Chatou dit « casse-toi pauvre con ». Un peu direct. Ah, Caroline de Montluçon propose « le président du pouvoir d'achat ». Ah ah ah, je me marre. très bien Caroline. Bon, écoutez, j'arrête là parce que c'est une véritable cacophonie de partout. Les gens parlent à côté de leur transistor. On dirait un échauffement général pour les manifs de jeudi. Merci Monsieur Maudit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 154e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement, merci à toi Monsieur Xavier, merci beaucoup aussi au maestro H2M, Henri-Marc Mutel, assisté à la technique aujourd'hui de Cédric Lalanne, de Dophar Guéride, voilà, merci beaucoup à vous deux. Je remercie également Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelé et Elsa Denac, Thierry Dupin pour les Scuds, et également Olivier Lefayard pour ses idées complémentaires, et les documentalistes de l'INA. Et puis bien sûr, un grand merci à M. Bachung, et surtout, devant Saint-Pierre, n'oublie pas le sésame magique, Alain. Alors, c'est Alain Bachung pour la panique au Mangin Palace. Avec ça, le paradis t'ouvre ses portes, c'est sûr. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son joyeux retour à la tête du Crumble. Enfin, toujours là d'ailleurs. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique. Et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.